Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Alors, nous avons vu dans le précédent podcast comment le pouvoir des rois mérovingiens commençait à s'affaiblir sous le coup des puissants du royaume. Clotaire II avait ouvert la voie à une décentralisation du pouvoir, conduisant au féodalisme, dans ce qu'il a de plus archaïque. Dagobert, son fils, avait tenté de réprimer le particularisme austrasien en leur donnant par dérision, peut-être, un roi né d'une relation adultère, Sigismond, devenu roi sous le nom de Sigismond III. Dagobert avait aussi multiplié les exemptions fiscales à des particuliers, dans l'espoir de couper l'herbe sous le pied des seigneurs. Il avait inscrit au rôle fiscal le plus de couvents et de diocèses possible, mais sans empêcher une augmentation des recettes fiscales, non au profit du trésor royal, mais au profit des grands et des princes de l'Église. Dîmes, champarts, forts mariages accablent une classe laborieuse, très inégalitaire, sans profit pour le roi, ni pour ses caisses, ni pour son image. Dagobert a été considéré comme le dernier grand roi par les Carolingiens et leurs partisans, comme l'auteur du Frais des guerres, cette chronique de la deuxième moitié du 8e siècle. La cause de la chute de la monarchie mérovingienne serait due, entre autres, selon ce même chroniqueur, au trop grand amour des femmes de Dagobert qui aurait entraîné la division de son royaume, comme avant lui le roi Salomon. Mais il suffit de regarder la fiscalité pour voir ce transfert de pouvoir bien réel et presque irrésistible des rois au seigneur et à l'Église. Un mouvement qui a commencé bien avant Dagobert. À sa mort prématurée à 34 ans, en 639, Dagobert laisse deux enfants, Sigebert, qui deviendra roi sous le nom de Sigebert III, roi d'Austrasie, assisté par le maire du palais Adalgisel, de la même famille que Pépin de Landen, sans avoir le même charisme, et Clovis II, 4 ans, roi de Neustrie et de Bourgogne. La régence est confiée à Nanthilde, qui a 36 ans, qui s'appuie pour la Neustrie sur le maire du palais Ega, remplacé bientôt par Archambault, parent de Bertrude, qui est la mère en réalité de Dagobert. Et pour la Bourgogne, le maire du palais Fulcoate ou Flavade, un noble franc. On insiste beaucoup sur le fait que c'est un noble franc, à qui Nanthilde offre d'ailleurs sa nièce en mariage. Alors, dans ce contexte où les grands se montrent extrêmement exigeants et qu'il y a une véritable montée en puissance de l'entité austrasienne, ces nominations sont en réalité très logiques. Adalgisel, maire du palais d'Austrasie, si c'est un Pépinide, donc de la même famille que Pépin de Landen, qui était considéré comme un véritable roi officieux à cause de sa personnalité rayonnante, Adalgisel, lui, a une personnalité moins affirmée, qui le rend donc plus docile au roi mérovingien. Ega est un seigneur neustrien, habitué au palais. Donc un homme de palais, justement, un leude aussi, attaché à la couronne dont il a reçu les terres. On sait que par définition, les leudes sont des seigneurs qui reçoivent leurs terres directement du roi, donc ils sont particulièrement attachés à la personne du roi. Et enfin, la nomination de Flavade, par contre, est un peu curieuse. On ne sait pas très bien qui c'est ce Flavade, mais d'ailleurs, des recherches historiques récentes prétendent qu'il serait en réalité l'amant de la reine Nanthilde. Mais en tout cas, sa nomination répond finalement à la même logique. Clairement, c'est un Bourguignon, mais qui est du côté qui est proche des Neustriens et qui est anti-austrasien. Et en plus, Nanthilde, très proche de Nanthilde, évidemment, et Nanthilde en plus lui donne sa nièce en mariage, donc elle le fait rentrer dans sa famille, ce qui fait que ça lui permet de mieux le contrôler et de s'assurer une loyauté sans faille. D'ailleurs, c'est ce qu'il va le montrer pendant son court temps d'exercice de la fonction de maire du palais de Bourgogne. Alors, en cette époque, il faut l'admettre, il y a un véritable grignotage du pouvoir royal par les grands. Et donc, pour ça, malgré tout, il est nécessaire pour les rois francs de s'assurer une administration qui lui soit fidèle, en plus d'être efficace. Et pour cela, il dispose d'abord, c'est vraiment le moteur, enfin Le carburant, premier, c'est le trésor royal. On sait d'ailleurs que celui de Neustrie se trouve en dépôt à Bernay, et il est surveillé évidemment par une élite militaire qui est spécialisée dans le convoi de fonds et aussi dans la protection de trésors. Et on sait aussi que d'ailleurs ce palais de Bernay ou de cette villa de Bernay, qui a toujours servi pour mettre le dépôt du trésor du royaume de Neustrie, avait fait l'objet d'un coup d'État sous Chilpéric, avant le partage suite à la mort en été de leur père. Chilpéric, en effet, espérait, en mettant la main sur ce trésor, payer en été des hommes et une armée considérable pour pouvoir écraser ses deux autres frères, afin de s'emparer par la force de tout le Regnum Francorum. Il n'a pas réussi, et en fait la conséquence de ça, c'est qu'il s'est retrouvé en réalité avec un tout petit morceau ridicule dans le partage. Donc il a commencé en étant très défavorisé. Mais ensuite, il s'est rattrapé, et c'est lui qui en réalité a fini par la force des armes surtout, à conquérir un énorme royaume qui s'appelle le royaume de Neustrie. Mais à côté de la villa qui sert de banque, il y a aussi l'institution centrale. Donc l'institution centrale de l'administration mérovingienne, c'est le palais. Dans chaque palais se trouve un maire du palais. Chef de l'armée, il agit comme un véritable vice-roi dans un des trois sous-royaumes qui constituent le Regnum Francorum, à savoir la Neustrie, la Bourgogne et l'Austrasie. Sa légitimité est d'autant plus forte qu'il est élu à l'unanimité des grands du royaume. Cette cérémonie qui sera cumulée avec celle du couronnement sous les Carolingiens. En effet, les Carolingiens verront bien que la fonction de maire du palais a été véritablement fatale pour la dynastie mérovingienne. Et intelligemment, ils vont non pas supprimer l'institution, mais ils vont en réalité la fondre avec l'institution royale, de telle sorte qu'en réalité, sous les Carolingiens, on prend l'habitude à la fois au moment du couronnement du roi, eh bien, le roi est non seulement couronné, mais il est aussi élu à l'unanimité par les grands. Et cette élection à l'unanimité par les grands, qui deviendra en fait assez symbolique, sera une tradition qui sera reprise par les Capétiens et qui durera jusqu'à Charles X. Mais en réalité, c'est le cumul en réalité de la fonction de maire du palais et de roi, donc couronnement et élection. Évidemment, à la place du maire du palais, les Carolingiens s'appuieront sur des espèces de proto-fonctionnaires un peu blafards qui leur feront pas d'ombre. Mais ça se fera d'ailleurs assez progressivement au début de la monarchie carolingienne. Ça se fera pas tout de suite du jour au lendemain. En tout cas, à ce moment-là, le maire du palais est élu par les grands et en réalité se montre assez menaçant. En termes de légitimité, il a une légitimité considérable. L'institution, alors on va voir en réalité comment, dans le prochain podcast, on va voir comment on fait. En fait, le maire du palais va supplanter en réalité les autres fonctions qui l'entourent et va se présenter comme un véritable vis-à-vis du roi mérovingien, vis-à-vis qui quelquefois agit dans son sens et quelquefois en réalité se montre plutôt très menaçant. C'est l'objet du prochain podcast. Merci et à bientôt.